بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma Ba'd. Dans le dars précédent, dans ce sabiq, on a pu prendre les abwab, les chapitres qui étaient relatifs au fada'il. Le premier chapitre, c'était relatif au fada'il. Wa khatama dhalika al-bab, il a conclu ce bab-là par kafarat al-majlis. Il est mustahab, il est recommandé aux personnes qui s'assoient dans un majlis avant de le quitter. De dire cette du'a-là, Subhanak wa bihamdik la ilaha illa ant, astaghfiruk wa atubu ilayk. Si jamais il y a du bien a été prononcé dans cette assise-là, Allah Azza wa Jal va les accepter et valider. Et si jamais un mal a été prononcé dans cette assise-là, Allah Subhanahu wa Ta'ala va les pardonner. Fahana, inshallah, nadkhul dans certains des abwab, des ad'iyah, et des askars que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude de dire à certains moments. قَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى بِقَالَ أَبْوَابٌ مَا يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَانِهِ. Il va nous évoquer à Huna les ad'iyah qui sont relatives au moment où on se lève. فَقَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى مَا يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَانِهِ. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Parmi les adhiyas al-sahihah thabita, celles qui sont authentiques, dont le prophète عليه الصلاة avait pour habitude de dire lorsqu'il se levait, الحمد لله et louange à Allah عز وجل, الذي أحيانا, celui qui nous a fait vivre, بعدما أماتنا, après nous a fait mourir, وإليه النشور, et vers lui la résurrection. Ce hadith-là, il est thabit, apporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et كذلك l'imam muslim. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, car il est pour nous al-qudwa, l'exemple, yuhusun al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'évoquer Allah azza wa jal et de le remercier, de le louer toutes les fois qu'on se lève de notre sommeil, qu'on dise alhamdulillah, louange Allah ya Azza wa Jal. Car le sommeil, la tranquillité et l'apaisement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans cette nuit, c'est une grande ni'ma. C'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah, on remercie Allah ya Azza wa Jal de cette ni'ma qui est azima, qui est le sommeil et l'apaisement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans cette nuit-là, dans le sommeil. Et il y a à travers cela, à travers la tranquillité et l'apaisement qu'on retrouve dans le sommeil, qu'Allah Azza wa Jal a placé dans ses nuits, un signe évident kadhalika prouvant l'unicité d'Allah Azza wa Jal, prouvant son omnipotence et sa miséricorde Jalla wa Ala. Fanahmaduhu ala zalik. On loue Allah Azza wa Jal pour ces choses-là. Allah Azza wa Jal est loué pour ses actes. Et kadhalika on le loue de cette ni'ma-là qui nous a accordé ce sommeil-là. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, Rabbul alamin. Le sommeil, il est min Allah, parce que c'est une ni'ma. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Qul ara'aytum, voyez-vous, in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah. Si Allah vous imposerait de vivre en permanence dans l'obscurité jusqu'au jour de la résurrection. Man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiyah. Quelle divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait vous apporter l'éclat de la journée? Afala tubsirun. N'écoutez-vous donc pas? Ou faites-vous semblant de ne pas entendre nos miracles? Jalla wa ala, il a placé à travers la nuit un signe évident qui montre sa puissance, qui montre que c'est l'unique Jalla wa ala qui mérite d'être adoré. Man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiyah. Si on vivait dans la nuit en permanence, qui en dehors d'Allah azza wa jalla est capable de faire cela? C'est une ni'ma azima. Qala subhanahu wa ta'ala qul ara'aytum, voyez-vous, إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. Si Allah vous imposerait de vivre en permanence dans l'éclat des journées jusqu'au jour de la résurrection, من إله غير الله, يأتيكم بليل تسكنون فيه. Quelle divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal serait dans la capacité de vous apporter une telle nuit dans laquelle vous vous reposez? Afala tubsirun, n'observez-vous donc pas, ou bien faites-vous semblant de ne pas voir nos miracles? Fajalla wa ala, il a placé à travers la nuit et le jour, l'alternance de la nuit et des jours, un signe évident qui demande à tout mouahid de remercier Allah Azzawajal et de le louer pour sa puissance, Jalla wa ala. Car personne en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire ces choses-là. Fait la nuit et le jour, ces deux grands et énormes bienfaits dont nul ne possède en dehors d'Allah Azzawajal. Faidaika nahmatum. La nuit et le jour sont deux énormes et grands bienfaits à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous fait miséricorde. Comme a dit l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, عند الآية وجعل الليل لباسا قال ومن رحمته جل وعلا بكم ولطفه أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي يخشاكم حتى تستقروا فيه وتهدأوا بالنوم. الله عز وجل par sa douceur et sa miséricorde a fait de la nuit un vêtement par lequel il couvre votre sommeil par la tranquillité et le repos. Fait Allah عز وجل s'il aurait voulu comme il est cité dans les ayats précédents, il aurait fait des journées, comment ça s'appelle, en permanence. Et la nuit, une nuit permanence. Face à yakun al-halak, on aurait péri. Lakin bi rahmatihi bi lutfi. Allah Azza wa Jal nous a fait miséricorde à travers ce sommeil, à travers la nuit. Fanahmaduhu lorsqu'on se lève. Parce que c'est un bienfait qui est énorme. Qala rahimahullah, qala falawla al-layl lama sakana al-ibad. وَلَسْتَمَرُّوا فِي تَصَرُّفِهِمْ فَبَرَّهُمْ ذَلِكَ غَيَةَ الدَّرَارِ. Et nous dit l'imam Sa'di rahimahullah, si les serviteurs auraient vécu en permanence dans l'éclat des journées, ils n'auraient ni trouvé la quiétude dans leur vie, et ni le repos leur permettant de reprendre les forces nécessaires afin de s'adonner à leur activité mondaine et religieuse. Dès lors, ils auraient tous péri de fatigue. فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, il a placé à travers la nuit un repos, afin qu'on se repose des activités qu'on a pu avoir et s'adonner pendant la journée. فَنَحْمَدُهُ, s'il aurait voulu, il aurait placé la journée entière, yani permanente, et كَمَا قَالْ, serait le halak, on serait mort de fatigue, mais pas au sens figuré. قَالَ فَلُوْ اسْتَمَرَّ أَيْضًا الظَّلَامْ لَتَعَطَّلَتْ عَلَيْهِمْ مَعَيْشَهُمْ وَمَصَالِحَهُمْ. Il nous dit, رَحِمَهُ اللَّهُ, كَذَلِكَ, il en est de même, si jamais les ibad auraient vécu en permanence dans l'obscurité des nuits, leur activité serait réduite à néant, car tu as besoin de la journée pour cela. Fa, c'est ni'ma. Lorsqu'on dit Alhamdulillah, c'est une parole qui a des grands sens. On le dit, yani, pour des grandes valeurs. On le dit parce que c'est vraiment une ni'ma ka'azima. Il faut que nos cœurs le ressentent. On dit Alhamdulillah. Celui qui a fait de cette nuit-là un repos pour moi, me permettant de reprendre des forces et de m'adonner al-an ala al-ibada, de m'adonner à mes activités. Sans cela, je n'aurais pas pu. Fa ahmadullah. Fadaka kana an-nabi sallam yashkur. Donc, dans ce hadith, nous tirons comme enseignement qu'il incombe, lorsqu'on se lève, après que la science nous est parvenue, de dire alhamdulillah, d'attribuer à Allah Azza wa Jal et de lui reconnaître ce bienfait que lui seul possède. Man ilahun ghayrullah, à deux reprises il a dit, qui en dehors d'Allah Azza wa Jal est capable de vous ramener une nuit ou bien de vous ramener le jour. Donc on se doit, à travers ce hadith et l'enseignement qu'on tire de ce hadith, d'attribuer à Allah Azza wa Jal et de le reconnaître ce bienfait à travers lequel Allah Azza wa Jal, il nous a permis de pouvoir se reposer. Fasin ni'ma azima. Le serviteur se lève et doit dire Alhamdulillah, louange à Allah Azza wa Jal de m'avoir redonné vie afin de pouvoir de nouveau m'adonner à mes activités. Donc la première des choses par laquelle débutent nos journées, c'est de dire Alhamdulillah, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, de lui faire preuve de gratitude. Jalla wa ala. Et garde à nous, après avoir entendu ces ayats-là, qui nous montre que le bienfait de la nuit et du jour, c'est un bienfait qui est énorme et seul Allah le possède. Et si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il nous aurait rendu la vie difficile, lakin bi rahmatihi, par miséricorde. Et par amour pour ses ibad, il nous a placé la facilité dans la nuit et dans la journée. Donc garde à nous qu'on se lève après avoir entendu cela et on ne prononce pas la louange d'Allah. Comme si jamais c'est nous-mêmes qui avons fait de ce sommeil-là une tranquillité, ou bien que c'est nous-mêmes qui avons donné vie à nos âmes. Nahmadullah ala zalika. Ni cela, ni cela. Tu n'es pas capable de ramener la nuit, ni le repos, et ni kazalika de te lever de ton sommeil. Fanahmadu jalla wa ala. La première des choses que l'abid al-muwahid, il commence le sunni, yahmadullah. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala dans sa journée. S'il commence pas par cela, Allah alam, qu'est-ce que ça va être ses journées? Ça, c'est une preuve d'insouciance et d'ingratitude, naham. Kama qala subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni askurkum washkuruni wa la takfurun. Rappelez-vous de moi. Et ça passe par le fait de dire alhamdulillah. Et je vais me rappeler de vous. Et remerciez-moi et ne soyez pas ingrat. Enfin, celui qui se lève directement sans alhamdulillah, fahada, c'est un ingrat. C'est une grosse ingratitude de faire cela, de se lever et de ne pas dire alhamdulillah, que ce soit par insouciance ou bien par. Yani muta'ammidan, c'est encore pire. Hada mustakbir. Enfin, ça, c'est l'attitude des muwahhidin. Des gens du tawhid. Des gens de la sunnah. Des gens de la dévotion, de l'ibada. Qui soient reconnaissants. An yashkuruna Allah azza wa jal. Et non dans l'insouciance, dans l'oubli, et encore moins dans l'ingratitude. Telle est la voie de notre père, Ibrahim alayhi salam, l'imam des muwahhidin, fakana shakiran li an'umihi, comme qala subhanahu wa ta'ala. Shakiran li an'umihi. Il remercie Allah azza wa jal des bienfaits qui Allah azza wa jal lui a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le prophète, alayhi salam, qui est notre exemple, de suivre Ibrahim. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِفًا. On t'a révélé de suivre la milla de Ibrahim, le chemin de Ibrahim, qui est parmi ces chemins-là la reconnaissance. فَهَذَا سَيْ دَعْبَ الصَّالِحِينَ. C'est l'attitude que doit avoir tout mouahid lorsqu'il se lève, remercie Allah Azza wa Jal, celui qui a fait venir après la journée et la nuit et qui a placé à l'intérieur de celle-ci un vêtement nous permettant de se reposer, et كَذَلِكَ il nous a rendu la vie. كَمَا قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم الذي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. Louange à celui qui m'a donné vie après m'avoir fait mourir. Ce hadith là, c'est une preuve que le sommeil c'est une mort. الحمد لله الذي أحيانا, qui m'a redonné vie, بعد ما أماتنا. Lorsque tu te couches et que le sommeil te prend, يا عبد الله, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris ton âme. Si Allah azza wa jalla le veut et juge que tu dois vivre, il te la redonnera. Et si Allah Azza wa Jalla, il juge que tu dois mourir, dans ce cas-là, il va t'ôter ton âme. كما قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Allah Azza wa Jalla nous évoque dans cette ayah qu'il ôte les âmes des défunts et de celles qui s'endorment dans le sommeil. Allah Azza wa Jal garde les âmes des défunts et redonne vie jusqu'à un délai déterminé, défini aux personnes qui se lèveront de leur sommeil. Donc ça, c'est un second enseignement. Le premier, c'est d'être reconnaissant, alhamdulillah, de ce grand ni'mah qui est le sommeil. Deuxième, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'a redonné vie. Car toute personne qui se dirige vers son lit va mourir. Allah Azza wa Jal va lui prendre son âme, ça c'est une certitude. Et ce qu'il va lui rendre, ça c'est une incertitude. Ce hadith-là, c'est un rappel de la mort. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul akthiru min dhikri hadhihi min ladhdhat. Multiplie le rappel de la mort afin que ton cœur soit connecté avec l'akhirah et que tu sois pas parmi les insouciants. Ce hadith là, il rentre dans cette grande recommandation qui est de se rappeler de la vie après la mort. Lana al-an, tu étais mort. Allah azza wa jalla a voulu, il t'a redonné vie. Ce hadith, il nous met en garde de se coucher sans s'être repenti des péchés commis. Il nous met en garde de se coucher sans s'être excusé auprès des personnes qu'on a lésées. Ce hadith, fil haqiqa, il nous informe que les lits dans lesquels on se repose sont en vérité des cercueils. et que les draps par lesquels on se couvre sont des linceuls. Car toute personne qui se couche meurt dans son sommeil. Et ceci est une certitude. La shak wa la raibafi. Et le réveil, c'est une incertitude. Allah, il dit, yatawaffal anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha. Il a utilisé le mot, il prend les vies, il prend les âmes, pour celle qui est morte, définitivement, ou celle qui est endormie. Lorsque tu es endormi, ton âme n'est plus avec toi. Allez auprès d'Allah, ya azawajal. Donc tu es mort. Ça, c'est une certitude. Et ça, c'est une chose qu'on oublie. On pense qu'on dort, on va se lever. Là, al-asl, lorsque tu rentres dans ton lit, il faut que ce soit un rappel. Tu es en train de te dire, là, je suis en train de me mettre dans mon cercueil. Parce qu'Allah, lorsque le soleil va me prendre, mon âme kadalika sera prise. Donc, est-ce que j'ai fait le nécessaire avant de dormir? Parce qu'il se peut que c'est ce dernier jour-là. Au moment où je me mets dans le lit et que je me couvre, c'est peut-être le dernier jour. J'ai aucune garantie et certitude que je vais me lever après. Et je suis même sûr et certain, c'est que Allah Azza wa Jalla va me prendre mon âme. Est-ce qu'il va la rendre ou pas? Est-ce que j'ai fait le nécessaire? J'ai demandé pardon à Allah Azza wa Jalla des péchés. J'ai demandé excuse auprès des personnes que j'ai lésées. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait un bilan de ma journée. فَعَلَبُدَّ الْإِنسَانِ يَذَكَّرْ هَذَا. Il faut pas qu'à ذَلَكَ يَحَدِثْ يَنِي بِالْبَقَى. Qui se disent demain et demain t'es suif. Là-bas, c'est que tu meurs. Quand tu rentres dans ton lit. Enfin, ça, c'est un tazkir, un rappel qui est عَظِمْ جِدًا. Nos lits, il faut les considérer comme des cercueils. Et les draps, il faut les considérer comme des linceuls. Ça, c'est une haqiqa. À travers laquelle nous invite à méditer ce hadith. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana. Louange à celui qui nous a donné la vie après nous avoir pris les âmes. Fa'idhan kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Lorsque la nuit vient, n'attends pas le matin. Car le réveil, il est incertain. N'attends pas. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس, celui qui est intelligent, c'est celui qui va se faire un bilan, qui va s'auto-juger, qui va se faire une autocritique, regarder ce qu'il a fait en bien et ce qu'il a fait en mal, afin de lorsqu'il se couche et il rentre dans ce lit, il se dit inshallah arju, j'espère qu'Allah azza wa jalla, si il ne me rend pas mon âme, il apprendra et il sera agréé de moi. Donc il faut un auto-bilan, une auto-critique à chaque fois qu'on rentre dans le lit. Comme a dit Ibn Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous avant d'être jugé. Et quand est-ce qu'on sera jugé? On ne sait pas. Lakin lorsque tu meurs, ton qiyama il a commencé. Parce que dans la tombe, tu verras soit ton issue vers le Jannah ou soit l'issue vers l'enfer. Il sera yani vers où sera sa destination. Et il sait que lorsqu'il rentre dans son lit, il meurt. Donc il faut une critique de soi-même avant de se coucher, car on meurt. Il faut faire un bilan de nos journées, car on meurt. Qala wa ilayhi an-nushur. Et vers lui le retour. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Et vers lui le retour. Troisième enseignement de ce hadith. Un rappel kazalika de la mort, c'est un ta'kid, parce que al-nushur qui est la résurrection, ça fait partie de la vie après la mort. Il y a plusieurs étapes après la mort. La tombe, ensuite il y a le fait d'être regroupé, yawm al-qiyama, c'est-à-dire fi ard al-mahshar, avant qu'Allah Azza wa Jalla descende et juge les gens. Ensuite il y a le jugement, ensuite il y a al-hawd, ensuite il y a sirat, ensuite il y a al-qantara, et des étapes avant cela. Wa min hadihi al-marahil, parmi ces étapes-là, al-nushur. La résurrection. Ba'na nafrati al-thani, après que Israfil va souffler dans la trompe. Le deuxième soufflement. Fa hahuna, fa idha nufra fi sur. Et on va se lever. On va sortir des tombes. Hadha huwa al-nushur. Wa ilayhi al-nushur. Pourquoi il a évoqué ce signe, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Wa ilayhi al-nushur. Pourquoi il se rappelle à ce moment où il se lève de son lit? Pourquoi il se rappelle cela du nushur? Quelle est la munasaba? Parce que lorsque tu te lèves de ton lit, il faut que tu saches qu'un jour viendra où tu te lèveras de la sorte, où tu te lèveras de ta tombe pour te tenir devant Rabb al-Alamin. Yawma yaqoumu an-nasu li Rabb al-Alamin. C'est pour ça que le Nabi il disait wa ilayhi an-nushur. C'est un rappel. Comme on a pu l'évoquer, ces livres, c'est comme des tombes. Donc lorsque tu te lèves de ton sommeil, tu te réveilles, c'est comme si jamais tu étais en train de te réveiller de ta tombe. C'est kazalika, c'est un tazkir. C'est un rappel de ce jour et année immense. Wa ilayhi an-nushur. Yani n'oublie pas que viendra un jour où tu te lèveras de ta tombe nu, pieds nus, dans l'attente du jugement qui est aussi long que 50 000 années. Wa ilayhi an-nushur. Sache que viendra un jour où tu te lèveras pour te diriger soit vers l'enfer ou soit vers le paradis. Fa ilayhi an-nushur. Lorsqu'on dit ce dhikr, c'est pas un dhikr qui est léger. C'est un dhikr qui comporte des enseignements qui sont azim jiddan. Un dhikr, s'il est dit avec sincérité, avec méditation, fil haqiqa, ça va pousser l'insan à faire que du bien. Il va pas oublier al-akhira. Fa hadha al-hadith, il nous exhorte à ne jamais oublier que lorsqu'on se lève, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a redonné nos âmes. Et nous a redonné nos âmes seulement pour qu'on se rachète. Si jamais on faisait partie des gens qui faisaient des péchés. Allah azza wa jal, peut-être si tu veux un khair, il te redonne encore une chance. Il te redonne ton âme. Ou soit c'est pour t'augmenter en faveur. Si jamais cette personne-là, lorsqu'elle se couche, elle rentre dans son lit, il est rentré dans son lit à la taqwa, avec de la piété. Car Allah azza wa jal, il lui rend son âme afin de lui ajouter en bien et en faveur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بصر قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui auront une longue vie et des bonnes œuvres. Car lorsqu'on se lève, c'est soit ça ou soit ça. Soit Allah azza wa jal a voulu qu'on se rachète, ou soit Allah azza wa jal veut que nous rajouter en faveur. وهذا للمؤمن أما الكافر c'est soit il se rachète ou c'est soit pour le rajouter en châtiment. كذلك في الحديث وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Et les pires d'entre vous sont ceux qui auront une longue vie et des mauvaises œuvres. Car Allah azza wa jal, il ne t'a pas redonné ton âme pour que tu te divertis à travers la vie d'ici-bas. Certains ils pensent qu'ils se lèvent, c'est pour travailler, c'est juste pour ça. Pour se divertir, pour s'amuser, fit donner. Non, il t'a donné, Allah azza wa jal, cette vie-là. Il t'a redonné le réveil après le sommeil. Pas pour cela, mais pour que tu penses à l'akhirah. Pour que tu te rachètes et pour que tu te rajoutes en faveur. Allahu. Il faut pas qu'on oublie ça. Wa ilayhi an-nushur. C'est un tazkir. T'es pas créé pour la dunya. Si jamais tu as des affaires, des activités relatives à la vie d'ici-bas, il faut que ce soit des activités qui sont assujetties pour l'akhirah. Qui vont t'aider à adorer Allah azza wa jalla et à faire du bien dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un tazkir qui nous pousse à ne pas oublier pourquoi on a été créé. Celui qui se lève et prononce cette parole, Alhamdulillah, lakin sans fiqh. Il y en a, c'est l'axe. Il y en a, ils prononcent pas, c'est encore pire. Il y en a, ils prononcent, mais subhanallah, il y en a, bidouni fiqh. Ils se lèvent, lakin, ils lèveront pas en conséquence. Alhamdulillah, il a dit, ahyana, ba'dama, amata, wa ilayhi an-nushur. Wa la salat, wa la zakat, il ment, il vole. Celui-là, il n'a pas peur de nushur. Celui-là, lorsqu'il dit an-nushur, ça lui fait rien du tout. Ça lui fait rien. Ça affecte pas son cœur. Fa, ilayhi an-nushur, c'est l'amal. Ça te dit, tu vas être ressuscité. Donc, fais les efforts, les actes. Remplis la mizan al-hasan à la balance des bonnes actions. Demande à Allah le pardon pour tout mal que tu as fait. Car, ilayhi an-nushur. Ne sois pas ingrat. Remercie Allah azza wa jal de t'avoir donné une chance de pouvoir te racheter. Hada huwa. Wa ilayhi an-nushur. Fa hada hadith, un hadith qui est azim jiddan. Concis, lakin il est azim jiddan. Il comporte trois enseignements azim. Le shukr, par rapport au fait qu'il nous a donné ni'ma qui est le sommeil, c'est un rappel de la mort, c'est un rappel kazalika du jour de la résurrection. Enfin, c'est un hadith qui est azim jiddan. Hadithun azimun jiddan. Qa rahimahullahu ta'ala. Kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, iza ta'arra min al-layl, qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk, walahul hamdu wa huwa ala kulli shin qadir. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا حديث كذلك عظيم جدا. rapporté par l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى. Al-Nabi Sallam disait, il a dit, celui qui dira ce qu'il suit lorsqu'il se lève, il a ta'arra min al-lay, et lorsqu'il se lève, il a ntabaha min al-lay. Il dit, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir, est capable de toute chose. Alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala fa in qala, si jamais il dit cela, Allahumma, ighfirli. Ensuite, après cela, il demande le pardon à Allah Azza wa Jal. Ou bien il implore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il va lui exaucer sa dua. Et il va le pardonner. Et il dit, et si, après cela, il fait le wudu et il prie, sa prière sera acceptée. Fahada, c'est un dhikr qui est azim jiddan. Lakin, cette faveur-là, elle est accordée à qui? Elle ne peut être accordée qu'à la personne qui, lorsqu'elle se couche, et il y a des askars qui vont venir, inshallah, avant de rentrer dans les lits, avant de se coucher, il y a des askars. Enfin, ça, c'est les personnes qui ont une assiduité dans les askars. C'est eux qui sont muwaffaqs. Dès qu'ils se lèvent, directement leur cœur, il est connecté avec Allah, azawajal, avec l'akhira. Donc, direct, c'est, pour eux, c'est simple, c'est automatique. Il va le dire directement. C'est celui qui évoque Allah Azza wa Jal. Comme Allah il a dit, si jamais on l'évoque, il va nous évoquer. Faskuruni askurkum. Wa idha dhakarani dhakartuhu. Si jamais il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de se coucher, Allah va se rappeler de lui, il va lui donner tawfiq. La réussite de pouvoir l'évoquer lorsqu'il se lève directement, la première des choses qu'il va prononcer, c'est cette dua-là. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk. Wa lahul hamdu huwa ala kulli shayin qadir. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ensuite, il va lever ses mains et demander à Allah Azza wa Jal le pardon, demander une affaire parmi les affaires de la vie d'ici-bas dans l'au-delà. Et c'est le muwaffaq qui fait deux rak'a. Et Allah Azza wa Jal va lui exaucer كذلك sa salat. Ça, c'est un mérite qui est accordé aux gens dont Allah Azza wa Jal leur donne la réussite. Ce mérite ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont un cœur large, grand et rempli d'amour pour Allah et Azza wa Jal, de glorification. Un cœur qui est tout le temps connecté, qui est tout le temps ma'al akhira, qui prononce ces termes-là avec connaissance et surtout ils appliquent. Ah, mais celui qui dit ce genre de kalimat-là et il égorge pour autre qu'Allah et Azza wa Jal, wa yatawakkal ala ghayrillah, parce que lahul mulk, c'est-à-dire que en dehors d'Allah et Azza wa Jal, la personne est pauvre. Donc comment tu peux yani placer ta confiance en une personne? Il n'a rien du tout. Celui qui a le cœur, il y en a qui est lié à une autre personne. Voilà, il n'a pas compris, il a le mulk. Wallulham kadalik, c'est celui qui mérite d'être loué, jalla wa ala. Il a ala kulli shayin qadir. Ma'ani kathira. Ces choses-là, ce sont des ma'ani qui demandent une application. Celui qui le dit, lakin, qui n'applique pas, en quoi ça va lui servir? Donc ces termes-là, ce ne sont pas des simples paroles. Ce sont des paroles qui demandent des actes. Et qui demandent de la méditation. Ça, c'est un hadith et c'est une faveur qui s'applique pour les cœurs de l'akhir et non pas pour les cœurs de la vie d'ici-bas. Là, ils se lèvent et ils pensent directement à leur travail, ils pensent directement à leur activité. Ils ne pensent pas à Allah Azza wa Jal. Ben, ils oublient qu'Allah, c'est lui qui leur a permis de se lever. Ils croient que c'est normal, c'est automatique, que lorsque tu fermes les yeux, tu te lèves et c'est normal. C'est tout à fait normal. Là, ça c'est min Allah Azza wa Jal. C'est une ni'ma azima qu'on se doit de remercier. C'est pour ça qu'on dit directement Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. كذلك on va rajouter parmi les hadith qu'il n'a pas évoqué, rahimahullah, le hadith le muttafaq alayh, min hadith Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala nama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta idha intasafa al-layl. Le prophète alayhi wa sallam, il a dormi une fois jusqu'à la moitié de la nuit. Il raconte ce hadith Ibn Abbas car c'est le neveu de Maymouna, radiyallahu anha. يعني أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ابن عباس c'était son neveu. فإلى دormi une nuit dans la maison de sa tante خالته. Dans la maison de sa tante. ها هنا il nous raconte ce hadith là. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل. Il a dormi jusqu'à la moitié de la nuit. قال وقبله بقليل وبعده. قال ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. Et ensuite, il s'est assis, le prophète, alayhi wa sallam, il a essuyé son visage. Il a essuyé la fatigue qui était sur son visage. قال ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقا فتوضأ ثم إلى بخيل نيه. Ensuite, il dit, il s'est mis à lire Les 10 derniers versets de Sourate Al-Imran. Inna fi khalqi samati ard wa ikhtilafi al-layli wa an-nahar la ayatin li ulil albab. A fait une page et demie. Les 10 versets font une page et demie. Les 10 derniers versets, ça, kazalika, ça fait partie de la sunnah. De lire les 10 derniers versets de Na'am, de Sourate Al-Imran, lorsqu'on se lève. La siyama, si jamais on fait suivre cela par Qiyam al-layl. Parce que là, il est dit qu'il s'est levé ensuite, et il a fait le wudu, et il a évoqué qu'il a prié 13 rak'a, c'est-à-dire que 2 rak'a afin d'ouvrir la prière des nuits, et ensuite 11 rak'a dont le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. Fa'ada kadhalika, ça fait partie des afkar, à dire lorsqu'on se lève, de lire les 10 derniers versets de Sourate Al-Imran. Et le hadith, il est muttafiqun alayhi. Fa'on est là au milieu d'évoquer cela. Wa al-Sheikh Ibn Hizam, hafidhah Allah ta'ala, il a évoqué dans son kitab Mukhtasar, Mukhtasar al-Askar fi Mazkar. Kazalik, il y a un hadith qui est évoqué, dans lequel il y a un khilaf, on va l'évoquer. Rawahu, il y a l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala et autres, an Abi Hurayra, radiallahu anhu, an al-Nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, qal, idha istanqadha ahadukum falyakul alhamdulillah, alladhi radda alayya ruhi, wa afani fi jasadi, wa adhina li bi dhikrihi. Ce hadith-là, dans lequel il est dit que le prophète, lorsqu'il se levait, il disait Alhamdulillah, ou il dit, yani, lorsqu'une personne d'autre vous se lève, qu'il dise Alhamdulillah, louange à celui qui m'a rendu vie, wa afani, qui m'a épargné, fidasadi, qui m'a épargné, qui m'a préservé en bonne santé, wa adinali fi dhikrihi, et il m'a autorisé, il m'a donné la réussite pour que je puisse me rappeler de lui. Fahada al-hadith, les ulama, ils ont divergé par rapport à l'authenticité. Enfin, certains ils voient que le hadith il est hassan. Et certains ils voient que ce hadith là il est faible. Parce qu'il figure dans la chaîne de transmission Muhammad ibn Ajlan, qui est sadour, c'est-à-dire qui est qualifié comme étant fiable, yani hassan al-hadith. Lakin, ce hadith là il a rapporté de son cheikh qui est Saïd al-Maqbari. Et il faut savoir que Muhammad ibn Ajlan, il n'a pas bien appris ces hadiths-là, qu'il a profité de son cheikh qui est Saïd al-Maqbari. Enfin, c'est quelqu'un qui est fiable, mais lorsqu'il ramène les hadiths, il rapporte les hadiths de son cheikh Saïd al-Maqbari, ça fait partie des hadiths dans lesquels il n'a pas très bien appris. Enfin, certains de ulama, ils voient que ces hadiths, lorsqu'il ramène ce genre de hadiths, Ibn Ajlan, et qu'il est tout seul à les avoir évoqués, comme c'est le cas ici, ce hadith-là, on ne trouve que par les récits d'Ibn Ajlan, ils disent que le mieux, c'est de ne pas juger de l'authenticité, car il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr dans cela. Le hadith, il est ma'ruf, « Man kadaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'ada minan nar. » Yani, lorsqu'on veut faire une chose dans la sunna, il faut qu'on soit sûr. Il faut qu'on soit sûr et qu'on a « ghalabat adh-dhan » ou bien une forte présomption que ce hadith-là, il est authentique. « Amma si un chèque, il faut mieux de laisser le chèque. »« Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. » Laisse, il y a des choses dans lesquels tu as un doute pour les choses dans lesquelles tu n'as pas de doute. Ça, c'est le mieux. C'est de délaisser ce zikr-là parce qu'il y a un doute. Ibn Ajlan, c'est connu, lorsqu'il ramenait de Saïd al-Maqbari, il faisait beaucoup d'erreurs. Donc, le mieux, c'est de ne pas, wallahu a'lam, évoquer ce zikr lorsqu'on se lève, car on n'est pas sûr. Et lorsqu'on veut appliquer une sunnah, il faut qu'on soit sûr ou bien qu'on ait une forte présomption. Et c'est pas le cas ici. Kazalika, parmi les hadiths qui sont évoqués, dans les askar, que le prophète alayhi wa sallam disait lorsqu'il se levait, ma min 'abidin yaqulu 'inda radda Allahu ta'ala ruhi. Toute personne qui se lève et qui dira la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa 'ala kulli shay'in qadir illa ghafara Allahu ta'ala lahu dhunubahu. S'il dit cela, Allah azza wa jalla va lui pardonner ses péchés. Wa law kanat mithla zabad al-bahr, même si jamais ils sont de l'étendue de l'écume de la mer, yani l'espèce de mousse qui s'entasse lorsqu'il y a des grosses vagues. هذا هو الزبد, l'écume de la mer, comme قال. فهذا الحديث حديث ضعيف جدا. Comme l'a qualifié Cheikh Salim Al-Hilali, حفظه الله تعالى, il a un tahqiq de Al-Askar, il a évoqué que ce hadith là il est très très faible. وكذلك parmi les hadiths qui sont évoqués, donc ça le ifsal c'est كذلك. Ça a laissé. ما من الرجل ينتبه من نومه, toute personne qui se lève de la nuit, yani la nuit, se réveille, yani. فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. Louange à celui qui a créé la nuit et le réveil. Ou plutôt le sommeil et le réveil. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. Louange à celui qui m'a ressuscité, si on peut dire, ce qui est venu ici, c'est Barathani, qui m'a rendu mon âme et qui m'a épargné de tout défaut, yani, en bonne santé. Ashhadu anna Allah yuhyi al-mauta, et j'atteste qu'Allah Azza wa Jal redonne la vie. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est capable de toutes choses. Illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Sans qu'Allah Azza wa Jal dise, yani, à mon serviteur a dit vrai. Et ce hadith, kadhalik, il est authentifié, et plutôt il est qualifié de très faible, da'ifun jiddan, par Cheikh Naham Salim al-Hilari, kadhalik Naham. Fahada kadhalik ça a délaissé. Pareil. Un autre hadith kadhalika qui n'est pas à dire lorsqu'on se lève, qui a été rapporté, lakin qui n'est pas authentique. Par, dans le sunan de Abi Daoud, Anna Aisha radhiyallahu anha l'a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha habba min al-layl. Le prophète, alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, disait, ou plutôt, kabbara ashara. Il faisait le takbir 10 fois de suite. Wa hamida ashara. Il disait, alhamdulillah, 10 fois de suite. Wa subhanallah wa hamdihi ashara. 10 fois de suite. Wa qala subhana malik al-quddus ashara. Pareil, il disait cela 10 fois. وَاسْتَغْفَرَ عَشَرًا وَهَلَّلَ عَشَرًا ثُمَّ قَالَ أَلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دِيقِ الدُّنْيَا وَدِيقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَشَرًا. Et ensuite il disait 10 fois, ô Allah, je prends refuge auprès de toi contre la dureté, plutôt contre la difficulté de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Il le disait aussi 2 fois. ثُمَّ يُفْتَحُ الصَّلَاةِ. Et ensuite il priait. فَهَذَا الْحَدِيثُ كَذَلِكَ il n'est pas authentique. C'est un hadith qui est jugé de faible, kadhalik par Cheikh An'am Salim al-Hilali, hafidhahu Allah ta'ala. Dernier hadith, pour conclure inshallah le dars, parmi les hadiths qui ne sont pas kadhalika authentifiés, qui sont jugés de faible, hadith kadhalika Aisha dans Sunan Abi Dawud, anna nabiyya, où il est dit que le prophète, alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, il disait, la ilaha illallah, anta subhanak. Allahumma astaghfiruka li dhanbi. Je te demande le pardon de mes péchés. وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ. Je demande ta miséricorde. Allahumma zidni ilman. Rajoute-moi en science. وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي. Et ne dévie pas mon cœur après que tu l'aies guidé. وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. Et accorde-moi de ta part une miséricorde. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب. Tu es l'octroyeur. Et ce hadith-là, kadhalika, il est faible, jugé de faible par Cheikh Al-Hilali, Salim Al-Hilali, hafidhahu Allah ta'ala. Fa'idhan, il y a 3 hadiths qui sont authentifiés lorsqu'on se lève. C'est de dire le premier Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Kadhalika la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, il demande à Allah Azza wa Jalla le bienfait. Na'am salat, et ça sera accepté. Ou bien de lire les 10 derniers versets de sourate Al-Imran. Ça, c'est ce qui a été authentifié de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il se levait. نسأل الله عز وجل أن يفعنا وياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.